J'ai pris le pamplemousse et tu m'as dit salope. Moi qui manque de coffre et de cœur. Tiens, ta mère n'a rien vu. C'est facile de compter les heures. Ça fait pas trois heures que t'as mangé. Quand on ne joue pas la scène. Mais l'erreur est humaine, soyons zen. Sans froid dans les veines, soyons zen. Plus de choc à la to clean up the mess. Take me back

antia o amado por decenni tudo janga. Gabé, gabé, gabé, maiae, galele bo. Shibo que se camia, camia com que sane. Shibo que se di tudo amole com terra bo. Shibo que se di tudo vive com não vive. Maiae, galele bo. Shima kwa barundu ya eso lengua masange lengua mosavirande lengua lengua vive.

Et on continue avec le pop. Arrête de mentir dans les yeux. Fais-moi croire que l'amour c'est nous deux. Quand j'imagine la suite, tu regardes seul. Devant le miroir, le simple reflet de ma gueule. Les marqueurs de nos vies, les espoirs dans mon lit. Et tout ce qu'on s'est promis. Mais je suis pas dupé, je tente en vain de m'accrocher un peu à ce que tu me laisses. Je fais l'aveugle et je vois pas la fin. Je dis adieu à nos rêves de vieillesse ensemble. Et moi je sens que tu rentres un peu plus tard chaque fois. Et tu crois que je le vois pas. Mais parfois je sens que tu m'aimes. Embrasse-moi, s'il te plaît, jure-moi que t'as fait ton mieux. Aime-moi, arrête de mentir dans les yeux. Fais-moi croire que l'amour c'est nous deux. Embrasse-moi, s'il te plaît, jure-moi que t'as fait ton mieux. Aime-moi, arrête de mentir dans les yeux. Fais-moi croire que l'amour c'est nous deux. Quand je te laisse des messages, pour une fois je t'en prie, fais preuve de courage. Regarde-moi, sois honnête, t'as pas des choses à me dire. C'est plus avec moi que t'as décidé d'écrire. Et pourtant, je te mens aussi quand je te dis que je dors bien la nuit. Mais je te vois rêver d'un autre qui prendra ma vie dans la nôtre. Alors va, arrête de me faire croire dans le vent que tous ces moments, ces instants reviendront avec le temps. Jure-moi que t'as fait ton mieux. Aime-moi, arrête de mentir dans les yeux. Fais-moi croire que l'amour c'est nous deux. Embrasse-moi, s'il te plaît, jure-moi que t'as fait ton mieux. Aime-moi, arrête de mentir dans les yeux. Fais-moi croire que l'amour c'est nous deux. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Je vous laisse du côté du disco. Off the ground, I said. was once in your shoes. I said, I'm alone, down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so tired. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can stop you. Chante encore la main.

m'envole au paradis, je les habille de Janeiro et l'on se jette dans l'eau bleue de l'océan, ne peuvent s'offrir sans argent ceux qui n'ont que des fleurs dans le cœur. Oh, oh, oh, oh, pas de soucis, ni de prix de Paris, je les habille. Et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. On s'envole et on s'invente des millions de chants qui chantent dans nos têtes. Aucune fête. On se lasse de la danse qui balance entre la vie et l'amour. Quand elle pleure, après Cuclou, ben, je vous laisse avec un autre morceau avec le groupe Otawan. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voici quelques chansons portugaises. Nossa terra, na cidade ou na serra, há um fruto que desponta. Os maduros, os verdinhos, mostram todos os biquinhos e alguns andam lá solta. E é por isso que vos digo, acreditem meus amigos, que esta fruta bem prendada, em sabor e é bonita, basta aquecer um pouquinho, passe logo marmelada. Qual é o fruto do amor? Amor, é um mamelo, é um mamelo. era una nossa terra, na cidade ou na serra, há um fruto que desponta. Os maduros, os verdinhos, mostram todos os biquinhos e alguns andam à solta. E é por isso que vos digo, acreditem meus amigos, que esta fruta vem prendada. Tem sabor e é bonita, basta aquecer um pouquinho, passa logo marmelada. Like

continue avec le flamenco et juste après, on écoutera l'électro. Get on the dance floor, move up, ground.

belle pour moi. Je crois que ce soir elle veut que je la sorte. Elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Oh, oh, oh, oh. Mon bébé d'amour. Elle a touché mes corazons. Elle me sent quand elle est derrière sur la selle. Elle aime pas quand je la laisse seule. Et moi j'aime pas quand elle fait sa belle. Elle sait que je suis un peu foutu dans mon d'elle. Mon bébé d'amour. Elle veut que j'y donne des nouvelles. Mon bébé d'amour. Ouais, je me réchauffe le cœur quand j'ai plein de bobos. Je la prends dans mes bras quand je me sens solo. On se moque de nous quand on regarde nos photos. Qu'est-ce que je l'aime, c'est mon bébé d'amour. Les soirées, les folles, moi j'évite. Les divorces, ça va très vite. Elle fait Jack dans le coca, chérie. Ce soir, je suis à toi, ma chérie. Elle m'a tué du regard, elle a fait fondre mon petit cœur comme un garçon. Elle me dit qu'elle me veut pour la vie, que je lui fasse des filles et des garçons. Ensemble on se dispute, on se réconcilie toujours de toute façon. Je crois qu'elle se fait belle pour moi, je crois que ce soir elle veut que je la sorte. Elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Oh, oh, oh, oh. Tu veux la bague à la manie. Tu me veux pour toute la vie. Mais si un jour tu me quittes, je pars à Santa Monica. J'aurais bien aimé être avec toi, mais j'ai du travail, je peux pas rester. J'aime bien quand tu me fais des guillis et que tu me caresses. J'entendais mon petit plan en rentrant à la maison, mais tu m'as annexé. Ça m'a vexé, mais tu es mon bébé d'amour. Elle m'a tué du regard, elle a fait fondre mon petit cœur comme un garçon. Elle me dit qu'elle me veut pour la vie, que je lui fasse des filles et des garçons. Ensemble on se dispute, on se réconcilie toujours de toute façon. Je crois qu'elle se fait belle pour moi, je crois que ce soir elle veut que je la sorte. Elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Oh, oh, oh. Je reçois SMS, bébé d'amour, elle me dit je pense à toi. J'espère que là où t'es, y'a pas de filles, fais gaffe à toi. Des fois j'en ai marre, peu de disputes, c'est pas la joie. La la la, la la la, la la la. Elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Oh, oh, oh, oh. Thank you.

si dici? Love. commence avec du Latino Dance. Un morceau portugais. Voilà donc, eh bien, bientôt 16h, mais d'ici, eh bien, je vous laisse, et puis on va se retrouver mardi prochain. Normalement, on finit à 5h, mais aujourd'hui, spécialement à 16h. Et puis on se retrouve donc aussi vendredi, à partir de 30h. Et puis dimanche, tous les un accordéon, à partir de 12h30. Voilà donc, eh bien, bon après-midi, et on continue, bien sûr, les chansons, et donc, à mardi prochain. Levons nos verres sans raison. Il

desconozco, que eres grande y pequeño, el que cuida de mis sueños, el guardián de mis momentos, tu silencio y el estruendo, poderoso y siempre tierno, mi refugio y mi desierto, mi calor y tú en el hielo, en el agua y en el fuego, en la niña y el abuelo, en la letra de mis versos, mi creador y tú mi dueño. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento, es que no te veo y a la vez te veo, es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega, te veo al mirarme en aquel espejo, y aunque pase el tiempo me veo y te veo. De mis recuerdos, el futuro de mis sueños, en el alba y en el cielo, en el alma y en el cuerpo, en la brisa de los campos, en la fuerza del obrero, en el fruto del trabajo, en la patria de mis sueños. No puedo escaparme de tu pensamiento, de ti el momento, y es que no te veo y a la vez te veo, es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega, te veo al mirarme en aquel espejo, aunque pase el tiempo me veo y te veo. Estás aquí adentro. No puedo escaparme ni un solo instante de tu pensamiento, de tu fiel momento. Y es que no te veo y a la vez te veo, es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega, te veo al mirarme en aquel espejo, aunque pase el tiempo me veo y te veo. Listen, Mr.

sur leur face. L'amour, j'en ai fait ma loi. Tout le reste ne compte pas. Y'a que les filles qui m'intéressent. Tout le reste, je m'en fous. Ouais, y'a que les filles qui m'intéressent. Le reste, c'est du superflu.